إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله تبارك وتعالى خلق الناس وأوجدهم في هذه الحياة الحياة الدنيا وجعلها لهم ميدانا للابتلاء والامتحان ودارا للعمل والطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا وجعل سبحانه هذه الدار دارا فانية زائلة وجعل الناس متنقلين منها إلى دار القرار وفي دار القرار أعد الله تبارك وتعالى ثوابه وجنته لمن أطاعه وناره وعقابه لمن عصاه فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عباد الله إن الدار الآخرة هي دار الحساب فيها جنة ونار وفيها نعيم وعذاب النعيم أعده الله لأهل الطاعة والعذاب أعده سبحانه لأهل الإضاعة ومن نعمته سبحانه وحكمته أن جعل في هذه الدار الدنيا علامات على ما أعده في الدار الآخرة فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يمر بأفراح وآلام ويمر بمنح ومحن ويمر بعطايا ومصائب فما يمر به من نعمة يذكر بنعيم الآخرة وما يمر به بألم يذكر بألم الآخرة ولهذا عباد الله تنوعت البراهين في هذه الدار الدالة للمتفكر والمتأمل بما أعده الله تبارك وتعالى يوم القيامة وبما أننا عباد الله نعيش في هذه الأيام أيام الصيف فهذه وقفة نتذكر فيها أمرا عظيما ومقاما شديدا يذكر به هذا الصيف إذ هو علامة واضحة وبرهان صادق على ما أعده الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو من جملة العلامات والدلالات الصيف عباد الله لا سيما إذا اشتد حره يذكر بنار جهنم يوم القيامة وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها سبحانه بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء قال صلى الله عليه وسلم وأشد ما تجدون من الحر في الصيف من سموم جهنم وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من زمهرير جهنم فالصيف عباد الله واشتداد حرارته يذكر بنار جهنم يوم القيامة وكلنا عباد الله يتقي حرارة الصيف بالأجواء الباردة والظل الوفير والمكيفات والمروحات خوفا من شدة حرارته ولهذا قال بعض السلف عجبا لمن اتقى حر الصيف في الدنيا كيف لا يتقي باجتناب الذنوب حر جهنم يوم القيامة عباد الله ومما يذكر بالنار شدة الظهيرة ولا سيما في فصل الصيف وقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فهذا عباد الله مؤشر وتذكرة للمتقين وقد كان بعض السلف رحمهم الله إذا انصرف يوم الجمعة في شدة الحر إذا انصرف من الصلاة تذكر انصراف الناس يوم القيامة انصرافهم إما إلى الجنة وإما إلى النار فإن الناس عباد الله يوم القيامة ويوم القيامة يكون يوم جمعة فإن القيامة تقوم يوم الجمعة ولا يأتي منتصف ذلك النهار إلا وقد أقال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قاله ابن مسعود رضي الله عنه وتلا قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا عباد الله ومما يذكر بنار يوم القيامة الشمس التي جعل الله في هذه الحياة فهي الشمس هذه الشمس شأنها كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا سراجا أي مضيئا ووهاجا أي حارا فحرارة الشمس عباد الله تذكر بحر النار يوم القيامة بل إنها عباد الله تذكر النار شأنها عندما تدنو من الخلائق يوم القيامة يوم يقفون على أرض عفراء يقفون على أرض عفراء مستوية لا ظل فيها ولا مأوى ولا مسكن إلا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومما يذكر بالنار عباد الله ما يكون في هذه الحياة من الحوادث غير معتادة كالصواعق المهلكة والرياح المهلكة والريح المحرقة والبراكين الملتهبة فإن هذه الأمور تذكر بنار يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وقال الله تبارك وتعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت والآيات في هذا المعنى كثيرة ومما يذكر بنار يوم القيامة عباد الله ما يصيب بني آدم في هذه الحياة وقد جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. وورد في بعض ألفاظ الحديث: وهي حظ المؤمن من النار. ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن إذا أصابته الحمى أن يحتسب ذلك كفارة عند الله عز وجل، وتطهيرا وتمحيصا. ومما يذكر بنار يوم القيامة هذه النار التي عندنا في الدنيا، قال الله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة للناس بالنار التي أعدها الله يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، عجبا ثم عجبا ثم عجبا، ندري بنار وجنة وليس لي ذي نشتاق أو من تلك نحذر. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يجعلنا من عباده المعتبرين المتبصرين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا البصيرة بشرعه، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez que Allah Azza wa Jal, il nous a créés dans ce bas monde, et que ce bas monde, c'est la terre d'épreuves et de tests, et c'est la demeure dans laquelle on doit faire les œuvres pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une demeure qui est éphémère et temporaire. Et donc, c'est le chemin ou le passage. Ce bas monde, c'est comme un chemin ou un passage qui nous amène vers l'au-delà. Et l'au-delà, c'est la demeure permanente, la demeure finale, la demeure éternelle. Et donc la personne qui a fait ce que Allah Azza wa Jal a ordonné, Allah Azza wa Jal va lui donner la récompense du paradis. Tandis que celui qui a désobéi à son ordre, Allah Azza wa Jal a préparé pour lui son feu et son châtiment dans l'enfer. Et donc la personne qui est intelligente, c'est la personne qui s'applique dans la religion d'Allah Azza wa Jal et qui se soumet à Allah Azza wa Jal et qui agit pour ce qu'il y a, hein, il se prépare par ses œuvres à ce qu'il l'attend après la mort. Et tandis que l'incapable, c'est la personne qui laisse à son âme. Il laisse son âme suivre ses passions et ses désirs. Et il laisse les faux espoirs le tromper à propos de l'au-delà. Serviteur d'Allah, la demeure de l'au-delà, c'est la demeure du jugement, le jugement final, le jugement dernier, dans lequel chacun d'entre nous va recevoir son livre, va recevoir le compte Il va payer les comptes ce jour-là. Et il y aura soit le paradis, soit l'enfer, soit les délices, ou soit le châtiment. Et les délices sont préparés par Allah pour les gens de l'obéissance, et les châtiments pour les gens qui ont délaissé l'obéissance et qui se sont détournés. Et donc Allah Azza wa Jal, il a établi dans ce bas monde des signes, des exemples par lesquels on est capable de comparer ce qui nous attend dans l'au-delà. Il a établi pour nous des joies dans ce bas monde, ainsi que des douleurs. Il nous a fait toutes sortes de dons et de grâces, et en même temps beaucoup de tests et d'épreuves et de malheurs qui nous touchent. Et donc l'être humain dans cette vie, il passe par des grâces qui lui rappelle les grâces de l'au-delà et la récompense de l'au-delà. Et dans ce bas monde, il passe également par des douleurs et des peines et par des malheurs et de la tristesse et des épreuves qui lui rappellent les douleurs de l'au-delà. Donc, celui qui veut pouvoir jouir des délices et des biens qu'il a pu goûter dans ce bas monde, mais qui veut y goûter de façon éternelle et demeurer dans ces délices-là éternellement, eh bien, il n'a qu'à emprunter le chemin de l'obéissance d'Allah. Et celui qui a goûté aux douleurs dans ce bas monde et qui a souffert, s'il veut éviter ces souffrances éternelles dans l'au-delà, eh bien, il doit emprunter le chemin de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et la personne qui réfléchit et qui médite sur ce que Allah Azza wa Jal a créé et ce que Allah a préparé pour nous dans l'au-delà au jour de la résurrection, il doit prendre en considération et méditer sur un exemple très important qui est l'exemple de l'été. Parce que l'été, avec sa chaleur intense, son humidité étouffante, elle nous rappelle de ce qui nous attend dans l'au-delà, au jour de la résurrection, du châtiment d'Allah Azza wa Jal et de l'enfer. Et il y a beaucoup de signes et d'exemples à prendre et des choses auxquelles on doit réfléchir et on peut prendre ça comme des leçons pour nous par rapport à qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà. Et donc, lorsque la chaleur de l'été est intense et qu'on goûte à des températures caniculaires, eh bien, ça nous rappelle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, les hadiths rapportés selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le feu, l'enfer, c'est plein à son Seigneur, à son Créateur. L'enfer, elle s'est plaint à Allah Azza wa Jal, et elle a dit, « Oh mon Seigneur, une partie de moi-même s'est consumée par elle-même. » C'est-à-dire que le feu s'est consumé lui-même tellement il est intense. Alors Allah Azza wa Jal lui a permis deux souffles. Un souffle en été, et un souffle en hiver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que vous trouvez de la chaleur intense de l'été, c'est à cause du souffle de l'enfer, et ce que vous trouvez du froid de l'hiver, et son froid mordant et intense et brûlant, parce que même le froid peut brûler, eh bien ça vient également du souffle de l'enfer aussi. Parce que l'enfer, c'est pas seulement un châtiment par la chaleur, mais c'est aussi un châtiment par le froid. Et lorsque, surtout si on a vécu ici, on a expérimenté, du moins, la chaleur intense de l'hiver, et lorsqu'on est brûlé par le froid, On sait qu'est-ce que ça signifie. Et ça aussi, c'est un rappel de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que les gens du paradis, ils ne vont ni souffrir de la chaleur intense, ni du froid. Et c'est pour ça qu'il dit, Allah Azza wa Jal, « La yarawna fiha shamsan wa la zamharira » Ils ne vont pas voir le soleil qui les brûle, ni le froid intense de l'hiver dans le paradis. Ceux qui vont goûter à ça, c'est seulement les gens qui seront en enfer. Et donc, qu'est-ce qui fait que les êtres humains, lorsqu'il fait chaud, et lorsqu'ils ressentent la chaleur de l'été, ils cherchent à se rafraîchir dans des climats plus frais. Ils cherchent à se protéger, à se mettre à l'ombre. Ils cherchent à installer des appareils climatiseurs et des ventilateurs pour se donner un peu de fraîcheur et pour se protéger de la chaleur de l'été. Hein, parce qu'ils ont peur de cette chaleur. Et c'est pour cette raison-là que les salafs, certains d'entre eux, ils disaient, c'est étonnant de voir une personne qui prend des précautions et qui se préserve de la chaleur de l'été dans cette dunya, mais comment se fait-il qu'il ne se protège pas de la chaleur de l'enfer au jour de la résurrection en s'écartant des péchés? Et donc, quand tu veux te protéger du chaud ou de la chaleur, tu prends les moyens nécessaires pour te protéger de cette chaleur. Et donc, si tu veux te protéger de l'enfer, tu dois également prendre les moyens et faire les causes nécessaires pour te protéger de cette chaleur intense du feu de l'enfer. Et cette protection-là, c'est quoi? C'est de faire les œuvres d'obéissance et de t'écarter des péchés. Et regardez l'exemple de celui qui refusait de partir avec les croyants lors de la bataille de Tabouk et qui dit aux musulmans la tanfiru fil har. Dans sourate At-Tawbah, Allah Azza wa Jal, il a mentionné l'exemple. La tanfiru fil har. Ne partez pas dans la chaleur. Parce que cette expédition de Tabouk, elle était en plein été. Et c'est des kilomètres de Médine, à travers le désert. Alors il disait, ne partez pas dans la chaleur. Et Allah Azza wa Jal a répondu en disant, dis au Muhammad, قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرَّ. Le feu de l'enfer est plus chaud encore. Donc la chaleur que vous sentez maintenant, de la chaleur de l'été, c'est rien en comparaison à la chaleur de l'au-delà, la chaleur de l'enfer. Et on voit aussi parmi les choses qui nous rappellent de l'enfer, la chaleur justement à l'heure du midi, lorsque le soleil est directement au-dessus de nos têtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement dans le hadith, lorsque la chaleur devient intense, eh bien, rafraîchissez-vous par la salat, car la dureté de la chaleur ou la force de la chaleur à ce moment-là vient du souffle de l'enfer. Et donc, Allah Azza wa Jal, il a établi ces exemples-là comme des rappels pour les gens qui ont de la piété, qui ont at-taqwa, qui se préservent du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et également de se rappeler que, hein, comme les salafs lorsqu'ils quittaient la mosquée le jour du vendredi, salatul jumu'ah, et qu'ils retournaient chez eux, ils se rappelaient justement le jour de la résurrection lorsque les gens se retournent vers soit le paradis ou soit vers l'enfer, parce que le jour du jugement dernier sera un vendredi également. Et c'est le jour de Jumu'ah que le jugement dernier sera établi. Et Allah Azza wa Jal, il a établi comme un signe pour nous également, pour nous rappeler de l'enfer, le soleil qui est au-dessus de nous et il en a fait une lanterne qui nous éclaire et une fournaise qui nous réchauffe. Et il l'a dénommé ou il l'a mentionné comme étant Sirajan wa Hajan à cause de ça justement. Et également le fait qu'au jour de la résurrection, ce soleil qu'on voit, il va être rapproché de nos têtes. Il n'y aura qu'une petite distance entre nous et le soleil. Et quelqu'un pourrait se demander, mais comment se fait-il que le soleil puisse être aussi près de nous sans qu'on se désintègre ou sans qu'on se confonde complètement? Et la raison de ça, c'est parce que au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, il va nous créer, il va nous recréer différemment. Et à ce moment-là, on sera capable d'endurer, de supporter cette chaleur intense. Et donc, ça, c'est un autre rappel pour nous. Et le jour de la résurrection, il n'y aura pas d'ombre, il n'y aura pas de maison, d'arbre, ou rien, où on peut chercher une protection contre cette chaleur du soleil. Excepté les 7 catégories de personnes qui seront couvertes par l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre, excepté son ombre. Et il y a également des signes dans la foudre que Allah fait tomber, dans les volcans, que Allah Azza wa Jal a créés. Et lorsque ces volcans entrent en éruption et qu'on voit la lave sortir de ces volcans, le magma qui est en train de brûler et qui est rouge, c'est une image qui nous rappelle également le châtiment de l'enfer et la punition que Allah a préparée pour les mécréants et pour les désobéissants. Et tout ce qui peut atteindre les maladies que les croyants subissent, comme la fièvre. Lorsque l'un d'entre nous est affecté par la fièvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de la fièvre justement que c'est une chaleur qui vient de l'enfer. Il a dit rafraîchissez-la ou bien enlevez-la en utilisant de l'eau fraîche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans une autre narration que c'est la part de l'enfer du croyant. C'est-à-dire, s'il subit la fièvre et il goûte à la fièvre dans ce bas monde, eh bien, c'est quelque chose qui le purifie et qui le nettoie de ses péchés. Également, le feu qu'on voit dans ce bas monde et les flammes, ça aussi, c'est un rappel pour nous de l'enfer dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran. Il mentionne que c'est un rappel et quelque chose qui peut être utile également pour les créatures, parce qu'on y a beaucoup d'utilité dans le feu et en même temps c'est un rappel pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement à propos de ce feu dans ce bas monde, il dit, il est une part, c'est comme si c'était 1/70 de la chaleur du feu de l'enfer. Ça veut dire que le feu de l'enfer est 70 fois plus intense et plus brûlant que le feu de ce bas monde. Et donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous en protéger, de nous en préserver. Et donc il faut faire en sorte qu'on demande à Allah Azza wa Jal de nous réveiller nos cœurs, de nous purifier nos âmes de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui nous éloigne de son rappel et des leçons qui peuvent être tirées justement de toutes les choses qu'il nous a montrées dans ce bas monde qui sont des rappels pour nous, qui sont des rappels pour nous protéger et préserver vis-à-vis de ce qui nous attend dans l'au-delà. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est insouciant et parfois indifférent vis-à-vis de ces signes. Et donc,